On va saluer aussi quelqu'un qui est toujours dans les coulisses et qui, Florent Amigo, qui enregistre toutes les émissions. On lui souhaite une très belle année. Je sais qu'il doit être certainement en train d'écouter. Donc un coucou, une belle année à Florent parce que il contribue aussi à véhiculer les émissions de Radio Arc-en-Ciel en enregistrant toutes les émissions. Et donc, du coup, vous pouvez retrouver ces émissions en podcast à travers le net et pouvoir écouter à un autre moment si toutefois vous voulez réécouter la voix sensuelle de Sylvie ou de Christine ou celle de Manu. Bon, il parle pas beaucoup, mais elle est sensuelle quand il veut. Hein. Avec le brésilien, ce serait peut-être plus sensuel.